بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كونيمو 2 طغب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc inshallah on va procéder à la révision du cours dernier dans lequel on avait évoqué les choses qui étaient relatives à la connaissance de la قواعد الفقهية. Et plus exactement, يعني المبادي العشرة. Les 10 choses qui incombent d'être devancées à l'étude de n'importe quel kitab dans lequel tu rentres, même pour l'étudier. Donc quel est le nom de la matière dont on est en train d'étudier ? القواعد الفقهية. القواعد الفقهية. Même معنى القواعد, la base, fondement, fondation. وقوله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. Ce qui est voulu par قواعد, c'est quoi? يعني الأساس. كما قال العمريطي والأصل ما عليه غيره بني. C'est la chose sur laquelle tu vas construire. Y a-t-il une différence entre القاعدة, ce qu'on a dit, القاعدة c'est الأساس لغتين. Y a-t-il une différence entre les deux, entre القاعدة والأساس? نعم. Quelle est la différence, la nuance entre les deux? القاعدة c'est plus pour les choses qui sont concrètes. نعم. والأساس c'est pour les choses qui sont abstraites. نعم. أحسنتم. ومنه قوله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Donc Allah سبحانه وتعالى il a évoqué le terme أساس pour la chose qui est abstraite. تمام. Sur les choses que tu vas, يعني la mosquée qui est bâtie sur la piété. Et la piété c'est une chose qui est abstraite. نعم. Quelle est la différence certaine, on peut trouver dans certains livres, dans certaines pages de certains livres, dans le Qawaid al-Fiqhiyya, il marque Al-Qawaid al-Fiqhiyya wa dawabituha. Il rajoute wa dawabituha. Y a-t-il une différence entre le dawabit et le Qawaid, entre le dawabit et le Qawaida? Naam. Quelle est la différence entre les deux? Le dawabit c'est pour un seul sujet, naam. Pour un chapitre propre. Le dawabit c'est pour une chose restreinte, naam. والقاعدة سأعم. تمام. سانغلوب. Une norme qui va être utilisée dans plusieurs chapitres de la jurisprudence. تمام. Comme c'est le cas de لا ضرر ولا ضرار. والأمور بمقاصدها إلى آخره. Parmi les قواعد. Quelle est la différence entre القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ الأصولية ne souffre pas d'exception. تمام. Elles sont absolues. Ce sont des règles qui sont absolues. Au différent de القواعد الفقهية. Certaines sont absolues, certaines ne sont pas absolues. Il y a quelques cas, on avait évoqué une autre différence entre les deux. Qui se rappelle de l'autre différence qui est entre le qawaid al-fiqhiyya et l'usuliyya? L'usuliyya, c'est une science relative dont découle le jugement d'interdiction à l'akhiri. Le qawaid concerne les actes des serviteurs. أما القواعد الأصولية أصول الفقه c'est plus يعني pour la déduction des adillah comment on arrivait à déduire ceci d'un dalil أما القواعد الفقهية c'est relative aux œuvres aux actes des serviteurs personne tombe quelle est la différence entre أصول الفقه والقواعد الأصولية من لم يعلم فيقول الله أعلم أصول الفقه c'est pas قواعد الفقهية نعم c'est la même chose enfin, c'est un petit piège c'est la même chose. Tu peux dire usul al-fiqh wa kadhalika qawa'id al-fiqhiyya al-usuliyya. Deux termes pour un même sens, pour une même matière. Wa al-fiqhiyya, je vais donner la différence du fiqh. Je ne sais plus si vous avez donné la différence, ou plutôt la définition. Donc, al-fiqh, c'est ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya al-taklifiyya bi-adillatiha. Ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya c'est le fait de connaître la science qui est relative à la connaissance des jugements qui sont relatives aux œuvres et aux actes des serviteurs. Et on verra que taklifiya et wad'iya, ça demande un cours pour expliquer cela. Lakin, c'est ce qui est relatif aux actes des serviteurs. Avec les adillah. Donc ça, c'est la définition de al-qawa'id al-fiqhiyya. La science qui est relative au jugement qui concerne les actes des serviteurs par l'épreuve du kitab ou la sunna ou bien les jumeaux. Ça, c'est la définition du fiqh. Donc, ces qawa'id-là sont relatives à ces choses-là, aux actes des serviteurs. Bi'adillatiha. Qui peut nous donner la définition de al-qawa'id al-fiqhiyya fi al-istilah, les règles permettant de regrouper divers cas similaires. Un essai dans le sens. Lakin, les règles sous un même jugement. Ces règles-là, comme ils l'ont détaillé, elles se divisent en deux. Donc, c'est ce qu'il fallait rajouter dans la définition, c'est quoi? C'est naam hukm shar'i aghlabi aw kulli. C'est-à-dire, c'est des règles qui peuvent être absolues ou bien qui ne sont pas forcément absolues. Et qui permettent de regrouper des cas similaires, des situations qui sont différentes et dont leurs cas sont similaires. Sous un même jugement, qui est la qa'ida. On avait pu évoquer kadhalika que ce qawa'id se divise en certaines catégories. Tu peux nous rappeler ces catégories-là? Naam, en trois catégories. Mustanbata, déduite des textes, naam, al-mustanbata. Donc, la mustanbata, al-madhhabiyya, wal-mansousa. Hadihi, c'est le qawa'id de. Plutôt, c'est la catégorie de al-qawa'id al-fiqhiyya. Naam. Directement tiré d'un texte. Lesquels sont un argument? Lequel de ces trois qawa'id, plutôt de ces trois catégories, sont un argument? Sont un dalil en elles-mêmes? Al-mansousa ou al-mustanbata. C'est-à-dire que tu la prends comme dalil. Dans toutes les situations. Vous avez vu le piège. La mansousa. Al-mansousa, c'est celle qui est un dalil. L'argument. Un argument tranchant. Pourquoi? Parce que le titre de cette qa'ida là, elle est elle-même un dalil. Elle est elle-même un dalil. La darar wa la dirar. Al bayyinat ala al mundain. Tout cela, il y a cette qa'ida là, c'est des mansousa. Dont l'intitulé est la parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Donc, ces genres de qa'id, ce sont des dalils en elles-mêmes. Am al mustanbata, am al madhhabiyya, ma'ruf. La parole de l'homme. En dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une qa'id, ce n'est pas un dalil à partir du moment qu'ils ne sont pas unanimes. Am al-mustanbata, comme ils l'ont dit, mais l'autre est déduite du kitab et la sunna. Naam, elle est déduite du kitab et la sunna. Lakin, si vous vous rappelez, dans le cours, on avait pu évoquer pour quelles raisons al-mustanbata ne peut pas être pris comme argument. En fait, même il y a al-mustanbata à se diviser en deux. Car elles peuvent se tromper malgré tout. Comme on a dit, c'est déduit du kitab et la sunna. Lakin, comme ils ont al-mustanbata, am al-mansousa, c'est une qa'ida qui est absolue. C'est comme un dalil. Le dalil, à partir du moment qu'il est utilisé dans son emplacement, ce sera un argument tranchant. Al-mustanbata, elle se divise en deux elle-même. Al-mustanbata, al-qawa'id al-mustanbata se divise en deux. T'as des mustanbata qui sont kulliya, qui sont absolus, qui ne souffrent pas d'exception, comme mathalan, la adz. Si jamais tu es dans l'incapacité, l'obligation n'était plus avisée. Ça, c'est des preuves, plutôt une qa'ida qui est absolue, qui ne souffre pas d'exception. Tu as d'autres Qawaid, qu'on va voir, Inch'Allah, qui souffre d'exception. Terme qui souffre d'exception. C'est Qawaid là, ma'ruf. Comme ils l'ont dit, à partir du moment qu'on sait qu'elle est aghlabiyya, c'est-à-dire que la plupart des cas qui vont rentrer sous la qa'ida, ils vont être mis en vigueur. Lakin, dans certains cas, la qa'ida, plutôt, yani, tu vas voir qu'il y a des cas qui auront d'apparence la même simule plutôt, qui va rentrer sous la qa'ida, lakin, en vérité, tu ne pourras pas l'appliquer, qui souffre d'exception. Donc ça veut dire qu'à partir du moment qu'on sait que certaines des qa'ida mustanbata souffrent d'exception, c'est-à-dire qui nous garantit que le cas qui était présenté, parmi les cas et les situations, ne font pas partie de cette exception. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, au nous qu'un cas c'est mustanbata, même si jamais elles sont déduites du kitab et de la sunna, du fait qu'elles sont aghlabiyya, c'est-à-dire qu'elles souffrent d'exception, tu ne peux pas la prendre, Yanni, pour faire un argument total. Pourquoi? Car le naram, il y a certains cas qui peuvent sortir de cette... on parle, Yanni, de manière générale. De manière générale. Mais à partir du moment où le cas il sera similaire à la qa'ida, naram. Lakin, on parle de manière générale. Est-ce que tu peux dire que la qa'ida al-mustanbata al-aghlabiyya, c'est un dalil? Là. Pourquoi? Parce qu'elle souffre d'exception. Il y a certains cas qui sortent de cette qa'ida-là. Donc celle qui est dalil, c'est la al-mansousa et kadalika al-mustanbata al-kulliya. C'est-à-dire qu'il ne souffre pas d'exception. Retenez bien ce terme-là. Kulliya, Inch'Allah, on va beaucoup le répéter, c'est une chose qui est absolue, qui ne souffre pas d'exception. Aghlabiyya, c'est pour ça qu'on avait dit au début de la définition de al-qawa'id, on avait dit hukm shar'i aghlabi ou kulli. Absolu et qui peut être kadalika, qui n'est pas absolu. Et la mustanbata aghlabiyya, celle-ci, h, wayakum, celle-ci, elle souffre d'exception, donc on ne peut pas prendre de manière générale et dire que c'est un dalil. On fait du cas par cas, à partir du moment que le cas il rentre sous la qa'ida, naham, ce sera un dalil. Pourquoi? Parce qu'il est tiré du kitab et la sunna. La illa a été tiré du kitab et la sunna, justificatif pour lequel a été jugé, rentre kadalika sous cette qa'ida-là, donc ce sera un dalil pour ce cas qui sera présenté. Et hatta, on avait dit que celles qui sont elles mustanbata al-kulliya, qui ne sont pas d'exception, ce n'est pas pour autant qu'elles peuvent te permettre de faire toi et émettre un autre jugement en dehors de ce qu'appelle et indique la qa'ida. Donc tu te limites à la qa'ida et ce qu'elle appelle. Et tu ne déduis pas de cette qa'ida-là un autre jugement. Comme ils ont dit, حُكَّمَ الشَّرَعَ يعني لا يستندون بمجرد هذه القواعد للاستدلال. Il faut qu'il y ait un dalil sarih. Le dalil sarih, c'est ça nos arguments dans l'islam. Kitab, sunna, wal-ijma'a. Car certains, ils prennent ces qawaid-là, ils l'utilisent à mauvais escient. Et ils font des dégâts. Ils font des dégâts. Et la qa'ida, la qa'ida, la qa'ida. Si on n'entend plus, qu'à Allah, qu'à Rasoul, qu'à la Sahara. Donc il faut faire attention par rapport à ça. La qa'ida, elle est bien lorsque tu viens fortifier. Tu argumentes, après avoir évoqué l'adila du kitab et la sunna, tu argumentes, plutôt tu fortifies tes arguments avec cela. Donc, l'usul, c'est قال الله, قال الرسول, قال الصحابة. Qui est la première personne connue pour avoir compilé cette science-là? C'est Abu Tahir Muhammad ibn Dabbas al-Hanafi. Al-Dariyar, il était aveugle. C'est lui qui a été connu en premier pour avoir compilé cette science-là. Il avait compilé les règles sur lesquelles repose le fiqh al-Hanafi pour apprendre de manière rapide et ce que comporte le fiqh al-Hanafi. Il faisait ça après chaque salat de Isha, lorsque les gens retournaient tous à leur domicile, ils répétaient plusieurs fois afin de ne pas oublier ce qawa'id sur lequel repose le fiqh de l'imam Abu Hanifa alayhi rahmatullah. Ensuite on a pu évoquer son fadl, son mérite. Ils ont évoqué les ulama que بقدر الإحاطة بهذه القواعد يعظم قدر الفقيه. Plus le faqih, plutôt l'aham, le talib, l'aham dans le fiqh, il aura pris soin d'étudier ces choses-là, et ça va lui donner, Inch'Allah, une makana, et un tadallu' dans la science qui est beaucoup plus, il sera plus, thabit, plus ferme dans le fiqh, Inch'Allah. Il aura des déductions, Inch'Allah, qui seront plus tranchantes, mais des arguments qui seront plus pointilleux. Donc ça va le fortifier dans ses arguments, et dans ses déductions, Inch'Allah. Et ça va l'éviter à ce que, kazalika, il ne se contredit pas. Il aura toujours un même minhaj, une même voie, une même méthodologie dans la manière de déduire. Lorsque deux cas seront similaires, il ne va pas faire comme si jamais ils n'étaient pas similaires, comme s'il y avait une différence. Donc ça sera une hujja contre lui si jamais des fois tu le vois jugé d'une manière et des fois d'autre. Alors que il y a une qaïda, il y a une voie qui lui est tracée et que lui-même est mis en application. Lakin, lorsque la hawa tape son cœur, tu le vois dévier là où son sa hawa le tire. On a Allah l'afia. Ensuite, avec Nisbah, on avait dit l'appartenance. Donc le fait que c'est lié au qawaid al-fiqh, ou plutôt au fiqh, c'est que c'est une appartenance avec al-fiqh. On avait pu évoquer Kadalika. Yanam, hukm shara, quel est le jugement religieux sur l'apprentissage de cette science? Nam, farkifay. Farkifay. Lakin, est-ce que c'est une condition qui est conditionnée pour que tu sois faqih dans le. Que tu sois un faqih, pour que tu comprennes la jurisprudence? Ou quelqu'un qui. Non, c'est pas forcément. Hatta fard kifay, inshallah, je vais réviser. Mais je crois que c'est mustahab, wallah alam. La science, plutôt la. Le hukm shar'i de cette science-là, je vais le réviser, inshallah, mais je crois plutôt que c'est mustahab. Que ce n'est pas une obligation, même si jamais c'est une obligation selon la suffisance. Inch'Allah, je réviserai ça et je vous redirai ça. Je me suis trompé, je crois, avec Ousul Fiqh. Inch'Allah, on rentre dans le cours d'aujourd'hui, qui va être relatif, Inch'Allah, à la biographie de l'auteur et la muqaddima. Donc, quant à le nom de l'auteur de cet ouvrage-là, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, c'est un mashhour, l'imam qui est reconnu, Abu Abdullah Abdurrahman. Ibn Nasser ibn Abdullah ibn Nasser al-Sa'di al-Taymimi min qabilati Tamim. Donc il fait partie, il a apparenté cet imam-là à une grande qabila parmi la qabila des Arabes, Banu Tamim, qui est ma'rouf, qui est une grande qabila. Wulida Sheikh Abdurrahman al-Sa'di alayhi rahmatullah dans une belda qui s'appelle Unayza, yani fil Qasim, c'est dans les faubourgs et dans la banlieue de Riyad. Tamam. Il est né, rahimahullah ta'ala, en 1307 de l'Égypte. Ce shir n'a pas connu très longtemps ses parents, car à l'âge de 4 ans, sa mère est morte, et son père Kazalika, à l'âge de 7 ans, l'a quitté. C'est-à-dire qu'il a grandi orphelin. À partir de l'âge de 7 ans, il a grandi orphelin. Et le ma'rouf, al-yatim, c'est celui qui perd son père, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas né orphelin, lakin qui a grandi orphelin. Il a perdu son père à l'âge de 7 ans. Dès son plus jeune âge, Ali rahmatullah, il s'est mis à lire le Coran et à le mémoriser. Et même à l'âge de 11 ans, il a pu finir et terminer la mémorisation du Coran. C'était quelqu'un qui était objet d'étonnement chez les plus jeunes de son âge. Et ensuite, il s'est mis à apprendre les ulum, la science. Comme tout ce qui est relatif à ce mot khat, كذلك صار في الاخره يعني من مبادئ العلوم. Et hatta à l'âge de 13 ans, tellement Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité dans la science, et tout ce qu'il avait pris comme science, il le donnait aux autres élèves, et ça à l'âge de 13 ans. Donc pour nous montrer que c'est quelqu'un qui avait déjà une pédagogie depuis son jeune âge, car à 13 ans il était déjà connu comme professeur qui faisait profiter les musulmans, les jeunes de son âge, dans son balad. Et d'une manière générale, ensuite il est devenu yani mudarris baldatuhu wa sheikh baldatuhu à l'âge de 43 ans, en 1350. Alayhi rahmatullah, c'était connu que c'était lui qui était le sheikh de Unayza, et c'était lui qui s'occupait de propager la science dans ce balad-là. Quant à ses mashayikh, ils sont nombreux et peu connus, du moins il y en a auprès de moi. Parmi eux, Ibrahim ibn Muhammad, ou plutôt Ibrahim ibn Hamd ibn Jabir. Donc c'est son premier muallim, Ibrahim ibn Hamd ibn Jabir. Il a pu apprendre le Coran avec lui et kazalika d'autres funun. Parmi ces mashayikh qui ont été cités, Muhammad ibn Kadalika Muhammad, Sheikh Muhammad ibn Abdul Karim ibn Ibrahim al-Shabl, alayhi rahmatullah. Sheikh, il a puisé de ce Sheikh-là la science de la langue arabe et Kadalika al-Fiqh. Wa Kadalika min mashayikh, et c'est même le Sheikh qui lui est connu, dont Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, il a beaucoup plus profité. Sheikh Saleh ibn Uthman al-Qadi, qui était connu comme juge de Unayza. Et Kazalika, Faqih Unayza, à l'époque de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, sur lui, yani, Cheikh Abdurrahman, il a beaucoup profité. Il a étudié chez lui al-Tawhid, wa kadhalika al-Tafsir, wa al-Fiqh, wa usul al-Fiqh, wa kadhalika furu'i, kadhalika al-ilm al-Arabiya, et il est compté comme étant son plus grand Cheikh. Donc Salih ibn Uthman al-Qadi, Qadi Unayza, c'est le plus grand Cheikh qui est connu. Al-Sheikh al-Sa'di alayhi rahmatullah. Et kadhalika, parmi les plus connus, Al-Sheikh al-Tuwayjiri, nam ma'rouf, Sa'd ibn Abdullah ibn Sa'd al-Tuwayjiri, qui est connu comme ulama de la sunnah. Et kadhalika, Muhammad ibn Sheikh Abdelaziz ibn Mani' ma'roufin. Et Sheikh kadhalika, il est parmi ses mashayikh, Al-Sheikh Muhammad al-Imam al-Shinqiti, le ma'rouf sahib yani Adwa al-Bayan, al-Shinqiti, le Mauritanien, alayhi rahmatullah. Parmi ces talamides, yani ils sont vraiment nombreux. Lakin on va citer les plus célèbres parmi les talamides de Cheikh. L'un de ses plus grands élèves, Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah. Et ceci nous montre yani al-makana, le statut de ce Cheikh-là, car il a sorti de grands élèves. Et parmi eux, le faqih de ce siècle-là, Cheikh Mohammed Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah. Wa kadhalika, al-Cheikh Al-Bassam, celui qui est ma'rouf pour avoir... écrit Tawdih al-Ahkam. Et c'est lui-même qui a pris la place de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di lorsqu'il est mort. C'est-à-dire, c'est lui qui s'est occupé de propager la science à Unayza dans le centre d'études dans lequel il était, ou plutôt le masjid dans lequel il était, à Cheikh Abdurrahman al-Sa'di après qu'il soit mort. Et qu'est-ce qu'il y a, parmi ceux qui sont comptés parmi ses élèves, son fils, Abdallah ibn Abdurrahman al-Sa'di. Amma bi sifatihi al-khuluqiyya, c'est-à-dire le comportement qui a été évoqué à ce Cheikh-là, كان موصوفا بالأخلاق الفاضلة. Il était connu par son noble caractère et l'approche pour les pauvres. C'est quelqu'un qui aimait bien les pauvres et qui s'occupait des pauvres du mieux qu'il pouvait. Quant à sa makana al-ilmiya, son statut dans la science, mashhur, ma'ruf jiddan, il est compté parmi les ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a, vers lequel yani les étudiants de la science, Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils reviennent à ces ouvrages. Car ces ouvrages, inshallah, yani, alhamdulillah, ils sont nombreux et en plus très profitables. Ma'aruf, yani, makanatuhu fi tafsir ila akhirihi dans sul fiqh. Et ceci est dû, comme l'ont évoqué ceux qui ont fait sa biographie, à la science qu'il a puisée dans les livres de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et kazalika, de son élève Ibn Qayyim alayhim rahmatullah. Et c'est ma'ruf, yani, ces deux ulama, ces deux savants de la sunna, leurs livres yani, gorge de science, tamam, sont pleins de science et profitables à la umma, profitable jiddan à la umma. Hatta lorsqu'il a été posé une question à Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah dans Ruqiyya, et Sheikh yani, d'apparence il ne connaissait pas la question ou plutôt la réponse, le questionnaire lui a dit en fin de question, et Cheikh al-Islam, il dit ceci et cela. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله من يستطيع أن يكون مثل شيخ الإسلام فليفعل. Celui qui a la capacité d'être tel que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, d'avoir des points de vue tels que celle de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anikafian, c'est suffisant, car cette personne a été connue pour le suivi de la sunna et du dalil, et peu sont les erreurs de ce Cheikh. Donc ceux qui puisent la science de ces mêmes ulama, inshallah, ça va lui être profitable, inshallah, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, comme ça a été le cas pour Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, alayhi rahmatullah. Quant à ses ouvrages, on va évoquer quelques ouvrages de Cheikh, ils sont nombreux. Et ce qui nous montre qu'il y a vraiment la makana, qu'il avait un statut dans l'ilm, c'est qu'il a écrit dans Shatta al-Ulum. Dans tous les ulum, Cheikh al-Sa'di, il a mis sa signature. Que ce soit dans le Coran et Ma'ruf, le tafsir Karim, al-Naham Karim al-Rahman, fi tafsir al-Mannan, c'est un des meilleurs tafsir parmi les tafsir dans lesquels yani, surtout yani dans la taille de ce tafsir là, il regorge yani d'énormes. Il est vraiment profitable. Ma'ruf, le tafsir de Cheikh sont dans Sa'di dans ce bab là, c'est vraiment un des meilleurs tafsir parmi tafsir al-Mahani. Les tafsir qui vont expliquer les sens du verset, il fait partie des meilleurs tafsir. Kadhalika, il a le Qawa'id al-Hassan li tafsir al-Qur'an. Ça c'est Ma'ruf, yani, c'est un kitab qui est connu dans Usul al-Tafsir. C'est vraiment un livre qui est excellent, qui a été même étudié à Damaj. Nombreux sont les livres de ce shikh-là dans le Tafsir. Kadhalika dans le hadith, ou plutôt dans l'explication des hadiths, il a regroupé un livre qui s'appelle Bahdatu Qulub al-Abrar. C'est-à-dire que c'est un livre qui regroupe 99 hadiths dans lesquels Al-Shaykh, alayhi rahmatullah, il les a expliqués un peu comme, yani, un peu comme les Arba'in Nawawiya, lakin du nombre de 99. Kadhalika dans l'Aqida, dans l'Adab al-Mawa'id, Cheikh il a des livres, il a Al-Qawl al-Sadid, fi Maqasid al-Tawhid, un résumé dans lequel il y a des annotations de, sur Kitab al-Tawhid, wa kadhalika, lahu Kitab, Tawdih wal-Bayan, li Shajarat al-Iman, il a kadhalika des annotations dans Al-Nuniyya de l'imam Ibn Qayyim, alayhi rahmatullah, dans lesquelles il évoque, ou plutôt il fait une explication de chaque bab, à chaque bab que l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans cette poésie qui fait plus de 5000 vers, Al-Shaykh, il vient et il explique à chaque bab ce que contient ce bab-là. Et na'am, d'autres ouvrages, énormément dans, et qu'il a pu écrire dans la science du Tawhid, ou Al-Mawa'id et l'Akhari. Wa kadhalika dans le fiqh, ta'am, et wa usulihi, dans le fiqh, ma'raf, dans le usul al-fiqh, le kitab qu'on va étudier, inshallah, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, wa kadhalika la. نعم القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسم البديع النافع ça c'est vraiment un ouvrage qui est vraiment excellent dans القواعد الفقهية c'est le livre qu'on est en train qu'on inchallah on va étudier c'est le premier livre que tu étudies yani c'est celui qui va t'aider à rentrer dans cette science là et il y a un autre livre qui est un peu plus large dans القواعد الفقهية qui s'appelle القواعد والأصول الجامعة et c'est vraiment un excellent ouvrage dans lequel on a pu profiter avec شيخنا المجاهد عليه رحمة الله سعيد الدعاس ابن دعاس نسأل الله يرحمه رحمة واسعة. Donc il est compté yani, parmi les mashayikh qui ils ont une science qui est vraiment large et dans toutes les genres de sciences que ce soit dans le khitab que ce soit kadhalika dans l'oral arabia il a quelques livres dans lesquels il a fait des annotations dans ces sciences là donc ceci nous prouve là le makana de ce alim et il fait partie des ulama al-rabbani celui qui te prennent par la main petit à petit pour te ramener au statut des ulama. وثنى العلماء عليه معروفة. Les ulama ils ont fait beaucoup d'éloges sur ce cheikh là. Le cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah il a de nombreuses fois yani, évoqué les vertus de cet imam là. Et même c'est de lui que le cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah il a beaucoup puisé surtout dans la manière, dans la pédagogie, dans la manière de donner des cours. Car ce cheikh-là, il était ma'rouf, bidarb al-amthal. C'est-à-dire qu'il donnait des définitions et ensuite il ramenait des exemples pour bien éclaircir aux tullab et bien leur expliquer et bien savoir si jamais ils ont compris la définition de ce qu'il a donné dans la science. Peu s'en faut pour que tu trouves une personne du même genre que l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, que ce soit dans l'ibada, dans l'ilm, ou bien dans l'amal, ou bien dans l'akhlaq, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah. Wa qala Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, kana rahimahullah kathir al-fiqh wal-inaya, bima'rifati al-rajih min al-masail al-khilafiyya bid-dalil, wa kana azim al-inaya bi-kutub Cheikh al-Islam al-Taymiyya wa tilmidhi العلامة ابن القيم وكان قليل الكلام إلا فيما يترتب عليه فائدة. شيخ ابن باز عليه رحمة الله il a qualifié comme étant une personne qui avait une science qui était large et abondante dans le fiqh et kadhalika dans la connaissance des adillah qui sont prévalues à d'autres, c'est-à-dire qu'il avait la connaissance des divergences dans le fiqh et il l'a qualifié comme étant une personne qui avait une grande préoccupation pour les livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et de l'imam Al-Allama Ibn Qayyim et c'était quelqu'un qui parlait peu excepté si jamais c'était pour évoquer et transmettre faire profiter une faïda tu le voyais parler même si jamais c'était dans d'autres choses tu le voyais peu parler et ça c'est Mustaq sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fa lakun khayran yasmut celui qui croit en Allah azza wa jalla et au jour du jugement dernier qu'il se taise ou plutôt qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise donc ça c'était un comportement qui était observé chez cet imam. Il parlait peu et quand il parlait dans le bien. Comme l'a exhorté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك الشيخ عبد الرزاق العفيفي لا كاليفي كم étant parmi les ulama de ce siècle-là, parmi les ulama de أهل السنة والجماعة. قال إن أقرب علماء الدعوة السلفية في العصر الحديث شبها بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طلب تلميذه ابن القيم له هو الشيخ السعدي عليه رحمة الله. Il a dit, si jamais on devait comparer une personne et dire que cette personne-là ressemble le plus dans la manière de déduire dans l'ilm à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ou bien de l'imam Ibn Qayyim, ça aurait été ce Cheikh-là, c'est-à-dire Cheikh Al-Sa'di, alayhi wa rahmatullah. Et kadhalika, Cheikh Mohamed Hamid Al-Faqi l'a qualifié comme étant Al-Alim Al-Salafi Al-Mudaqqiq Al-Muhaqqiq. Comme étant l'alim salafi qui était pointilleux et méticuleux. Donc les ulama ont fait beaucoup d'éloges à l'égard de cet grand alim, alayhi rahmatullah. Quant à sa mort, il est mort d'une maladie qui est connue auprès des docteurs arabes, le dort d'âme. Il avait une maladie dans le sang. Fatwa fi rahimahullah ta'ala en 1372. Il est mort en 1372, c'est-à-dire qu'il a vécu 65 ans. Car il est né en 1300, on avait dit combien ? 1307. Ça, c'est, en résumé, ce qui a pu être évoqué dans la biographie de ce grand imam, Abdurrahman al-Sa'di, alayhi rahmatullah. Subhanaka wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.